La fin de cette civilisation n'est pas la fin du monde. dans un problème. Le problème devrait se résoudre assez facilement. Finalement. Finalement. On est tous nés pareil. On vient du même champ. Dans un monde plus ou moins sécure. De Paris, de Manille ou d'Alger. Pour apprendre à marcher. C'est pareil. Être né quelque part. Qui croit ça? Thank you. Thank you.